Le temps passe et un jour, ça s'intensifie. Quand elle se présente devant la cabane, ils n'ont même pas le temps de cogner que l'ogresse ouvre la porte en coup de vent. Les filles figent sur place. En furie, elle les attrape par le collet, les soulève de terre puis les entraîne au plus profond de la forêt. Pavla, par curiosité et attachement pour sa maîtresse, la suit sur les talons. Quelques jours plus tard, juste un peu avant la tombée de la nuit, la sorcière est de retour avec Pavla au chaud dans ses bras. Un sourire aux lèvres, les yeux de retour dans leur trou, calme, l'esprit en paix, le cœur léger, elle marche en direction de sa cabane. À son arrivée, elle dépose Pavla sur la galerie. Elle se dirige vers le chaudron et d'un solide coup de pied, elle le fait basculer. Et répand par terre son liquide visqueux et malodorant. Mais même froid, il brûle tout sur son passage. À la tombée de la nuit, un beau gros nuage nacré enveloppe la sorcière. Elle se transforme en déesse. Ses cheveux se dénouent et retombent librement sur ses épaules. Elle est d'une beauté sauvage et magnifique. Les petits et grands animaux s'approchent d'elle et d'un geste de pur amour, elle trace un grand cercle au-dessus d'eux avec sa baguette. Un voile léger et lumineux laisse échapper des étoiles minuscules et dorées, comme des flocons de neige qui se déposent sur eux. Et dans le silence de la nuit, les criquets, grenouilles et wawarons chantent leur sérénade. La nature reprend son cours et la forêt retrouve sa quiétude. Pour reprendre le temps perdu, la déesse part faire sa tournée dans la forêt et au village. Le lendemain, les villageois retrouvent leurs champs et jardins un peu plus verts et les animaux sont plus enjoués. À la cabane, le quotidien reprend. Jamais Pavla et Baba Yaga vont refaire allusion à la mésaventure avec les deux filles. Pendant ce temps au village, voyant que les deux sœurs sont pas revenues de la forêt, la rumeur s'enflamme puis les histoires, plus effrayantes les unes que les autres, se remettent à circuler au sujet de la sorcière. On dit même qu'elle les aurait dévorées. Bon, c'est pas ce qui est arrivé. À vrai dire, Baba Yaga avait signé un contrat de garde partagée. Ben oui, ben c'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, toutes les sorcières, les elfes, les loups-garous, tous les êtres bénéfiques et maléfiques partagent la garde de leurs enfants avec M. Destin et Mme la Vie. Le contrat a juste une clause. Elle stipule que, dès que l'enfant arrive à maturité, il devra leur être remis en main propre. Les retardataires verront se réaliser une malédiction que l'enfant porte déjà en lui. Il va se gâter, pourrir même, devenir mauvais, comme un fruit trop mûr. Pas un parent veut ça pour ses enfants. Puis Baba Yaga, mère aimante, a toujours honoré son contrat. Des dizaines de filles qu'elle a eues, toutes ont été remises à temps à M. Destin et Mme la Vie. Mais, convaincue que les temps changent, ben, elle s'est mise à croire que c'est pas pareil pour elle. Puis, personne va s'en apercevoir. Comme si la sorcière se mentait et mentait à ses filles. et pour les protéger, pour les empêcher de souffrir, elle a pris toutes leurs responsabilités. Ses enfants, ses amours, ses bébés vont rester plus longtemps près d'elle. Ben, peut-être pour toujours. Juste à la pensée de les voir partir pour vivre leur vie, le cœur y déchire. Au fur et à mesure que le temps passait, elle a vu ses deux filles changer, s'éloigner, lui dire qu'elle connaît rien, y manquer de respect, abuser d'elle, la voler, y mentir. Finalement, se gâter. La malédiction se réalisait. Au début, sans comprendre ce qui se passait, elle s'est transformée bien malgré elle en ogresse. Ensuite, elle a compris qu'elle allait devoir respecter son contrat de garde partagé pour mettre fin à la situation. C'est ce qui est arrivé. Elle est allée reconduire chez M. Destin puis Mme Lavie. Je dis ça facile de même, mais je peux vous dire que la séparation a été difficile et déchirante pour elle puis ses deux enfants. Mais c'est l'entente. Le couple va en prendre bien soin, comme ils prennent soin de Baba Yaga et de tout le monde.